comment s'accueillir pleinement? Alors, c'est une belle question. C'est une belle question, mais en fait, le pleinement est de trop. En fait, on ne peut... Avant de s'accueillir pleinement, ça passe par le processus graduel, déjà de l'accueil, de la bienveillance. Et plus tu vas reconnaître tes résistances, tes croyances, tes limitations, tes contractions, et moins tu vas porter de jugement dessus. Plus, alors ça c'est un point. Plus tu vas avoir l'attitude bienveillante envers les autres, donc la recherche du bonheur pour chacun, et plus tu vas avoir cette quête pour toi-même. Plus tu vas tourner ton esprit vers ce qui est positif et vertueux, et plus ta bienveillance pour toi-même va être bienveillante et vertueuse, et ainsi de suite. C'est-à-dire que tout ce que tu vas nourrir pour autrui, tu vas le nourrir pour toi-même, indirectement, et il y a un moment donné où tout ça, amour, compassion, équanimité, joie, tout ça, ça va s'ouvrir pleinement, et en fait, pleinement, tu seras dans l'accueil de toi-même, et dans la bienveillance avec toi-même. Donc, c'est pas... En fait, il est bon de ne pas souhaiter vouloir atteindre ça. Par contre, il est bon de souhaiter vouloir tourner son esprit vers ce qui est vertueux. Et à partir de là, bah, plus tu vas avoir de la satisfaction à aimer les autres, à les aider, à être là pour eux d'une façon ou d'une autre, bah, en fait, plus tu vas trouver de la satisfaction pour toi-même et plus tu vas t'accueillir, puisque tu vas devoir apprendre à accueillir chacun pour ce qu'il est, sans porter de jugement. Donc, ça va induire à ton esprit de t'accueillir toi aussi, sans porter de jugement. Parce que si tu portes des jugements à toi-même, ça s'appelle l'aversion. Et s'il y a la graine de l'aversion à l'intérieur, bah forcément, elle sera à l'extérieur. Donc, si tu souhaites le bonheur pour chacun, il ne peut pas y avoir d'aversion. Voilà. En fait, voilà, c'est le piège dans tout ça. Et comme ça ne peut pas se faire d'un coup, bah ça se fait graduellement. Donc, ça demande d'avoir un petit peu de patience et puis de nourrir la positive attitude. Et tu verras qu'à un moment donné, tu vas t'accueillir pleinement. Parce que tu as accueilli la totalité pleinement. Mais au même titre que tu vas accueillir le chaud, le froid, le sacré, le sucré, le salé. Le voilà, sacré aussi. Ben voilà, le sacré aussi. Hein. Et en fait, voilà, tout ça va être... En fait, tout va être accueilli avec joie, avec équanimité. Voilà, pas à partir de l'ego où c'est agréable ou désagréable. Il n'y a que là où l'accueil se fait pleinement. Hein? Donc, c'est un peu comme ce qu'on a vu ce matin dans les rituels. Toi, si la base, c'est l'ego, toi, tu fais une action parce que y a des peurs, eh ben, admettons, je sais pas moi, tu vas te mettre en 12 pour aider ta maman, par exemple. Tu vas te faire un sang d'encre à chaque instant. Ça, c'est pas normal. C'est un déséquilibre. Parce qu'en fait, ça vient de tes peurs. Si maintenant, tu as compris que pour aider quelqu'un, il fallait aussi que la personne, elle prenne conscience qu'elle doit s'aider elle-même. Donc, tu vas donner ta part de ce que la personne a besoin, mais juste la part nécessaire. Et puis, parce que toi, tu te respectes toi. C'est pas à cause de l'autre que tu vas te créer un déséquilibre interne. Donc, tu vas trouver ton équilibre interne. À partir de ton équilibre interne, tu vas faire des propositions à la personne, même si c'est ta mère, ta fille, ton frère, ton père. Et la personne, elle va devoir apprendre à assumer sa part de responsabilité et à faire son travail. Et à partir de là, tu vas trouver un équilibre en toutes choses. Mais tout ça parce que tu es dans la bienveillance avec toi-même, mais aussi dans la bienveillance envers autrui et parce que tu as compris tous les mécanismes et ainsi de suite. Et donc, tu sais que tu peux pas résoudre la problématique à la place d'une personne. Donc, tout ce qui est dans l'extrême, en fait, c'est parce que ça part de l'ego et c'est de la malveillance au final envers soi-même. C'est de la dépendance. Donc, à partir du moment où tu vas t'accueillir toi, eh ben, tu vas accueillir le processus de l'autre. Et tu vas comprendre que tu peux pas sauver la planète, et tu vas comprendre que si, tu vas comprendre que... En fait, tu vas tout comprendre. Et au final, tu vas trouver l'équilibre en toute chose.